Pour que tu m'entendes plus vite, mais là ça marche, tu vois. Donc là ça tourne, comme on est que deux, mais on est décalé. Donc il faut dans la réalité, on est décalé, mais on s'entend pas décalé. Ah, d'accord, tu joues décalé, toi. Toi, tu joues, ouais. Ouais, c'est pas très confort. Ouais. C'est... Ouais. Ça marche c'est de l'autre côté, pas possible. Bref, ouais, pourquoi, c'est pas terrible, quoi. Non, mais parce que c'est, je sais pas, ça fait une écoute bizarre, un poil décalé, ouais, c'est bizarre. Ah non, il n'y a pas de décalage, là. Non, pas d'accord, il n'y a pas de décalage. Là, on est en direct avec le métronome, on est en lien, et il n'y a pas de délai du tout, quoi. Alors, le délai est à zéro, là. Donc là, si tu entends décaler, c'est que tu as un problème vraiment de micro ou d'ailleurs d'autre chose. Mais là, avec ce système-là, il n'y a pas possible décalage. Internet ne joue pas là-dedans, quoi. Il compense tous les délais. Donc, ok. Allez, on essaie. Décalage je vais possible. M'y faire. Ouais. Allez, on essaie. Attends, je vais mettre une batterie. Peut-être que ça te mettra plus à l'aise. On pourra couper le métronome comme ça. Attends, je vais juste synchroniser la batterie avec mon truc. Par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. Tu vois, dès qu'on bouge de la grille, lui, il continue. Hein. Et donc, si on est décalé, ouais. Ça va merdouiller derrière. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Par contre, hein, tu vois, c'est vraiment fait pour travailler par partie, ben quoi. Ouais. Mm-hmm. Ou alors que savoir le morceau. Moi, il y a des gens qui sont bien calés et qui se calent bien sur la grille. On arrive à jouer sans problème, quoi. Mais dès qu'on se décale, par contre, là, s'il y a quelqu'un qui continue pas son truc, il n'y en arrive plus, ouais. Quoi. Tu vois, ça va essayer. Être juste un outil pour travailler, mais après il faudra que tu règles ton problème d'internet, parce que c'est vrai que là c'est... Ouais, mais on reviendra sur cette histoire de débit. Hein? Ouais, de toute manière, ouais. Alors, est-ce que j'ai ma caméra de brancher? Moi je sais plus. Ouais, si elle est par terre apparemment. On peut se voir même, normalement. Ah oui, je te vois. Alors, par contre, je sais pas où est la caméra. Je vois le sol, je vois du bois. Ah oui, mais parce que moi, c'est, je suis bien. C'est toi que je vois ou quoi? Ouais, quoi, tu vois le sol, tu vois du bois, non? Ouais, moi aussi, je vois du bois. Je vois pas encore. Attends, je vais chercher la caméra, elle est de l'autre côté. Thank you.